lendemain de ces incidents, le mouvement des travailleurs arabes est retourné voir le MRAC, c'est en particulier Madame Jospin, qui les a beaucoup conseillés, et ils ont demandé de pouvoir faire une action à l'église Saint-Jean et Nicolas, qui se trouvait dans un quartier où étaient très nombreux les travailleurs immigrés maghrébins, surtout, et qui n'étaient pas loin non plus du MRAX. Ils sont venus m'en parler, moi aussitôt, j'ai consulté quelques personnes de la paroisse, on a tenu une petite réunion plus ou moins clandestine, parce qu'il ne fallait pas que s'ébruite la possibilité d'organiser une grève de la faim dans cette église, car en effet, toutes ces personnes qui étaient sans permis de séjour pouvaient être arrêtées avant même qu'ils n'entrent dans l'église Saint-Jean-Nicolas. Après cette première réunion avec les paroissiens, qui ont donné leur accord de principe, a eu lieu une seconde réunion plus importante au cours de laquelle se fondait un comité de soutien, dans lequel il y avait des personnes connues comme le professeur François Rigaud, le professeur Albert Martens, Madame Jospin, Claire André, toutes deux du MRAX, des représentants du mouvement des travailleurs arabes, des représentants aussi d'autres groupements comme La Parole au Peuple, qui s'est montré après très, très actif dans le soutien à cette grève lorsqu'elle a commencé.